France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. J'ai abandonné un système. C'était devenu le fonctionnariat. J'étais devenue la cousine qui revient tous les ans à heure fixe. Ça, je veux pas parce que ce métier est un métier d'aventurier, d'aventurière. Il faut que ce soit une aventure. Puis je crois aussi qu'il faut pas continuer sa vie, il faut la recommencer. 17 février 1969, Barbara termine son récital à l'Olympia et annonce « Ce soir, c'est la dernière fois que je chante ». Elle en a marre des tours de chant qui s'enchaînent depuis 10 ans. Pour se réinventer, elle tente une nouvelle aventure, le théâtre musical. D'abord un flop, puis un triomphe. Barbara et la comédie musicale, c'est l'histoire que je vous propose ce matin de découvrir sur la 42e rue de France Musique, en commençant par cette chanson dont les paroles sont signées Luc Plamondon, l'auteur de Starmania. Bonjour à tous. J'entends la foule qui crie mon nom, Lili passion, et j'entre dans la fosse au lion. C'est ma vie, c'est ma déraison. J'ai peur, mais j'avance quand même. Car j'aime, je voyage de ville en ville et d'océan en océan. J'ai survolé la Havane et les gratte-ciels de Manhattan. J'ai vu les neiges étoilées, j'ai touché le surnaturel. Je sais où vont les ballons blancs que perdent les petits enfants. Dans un nightclub de Harlem gamme, j'ai croisé le regard d'un homme. Et ce regard m'a troublé l'âme quand il a touché mon cou nu. J'aurais aimé coucher mes reins, j'aurais aimé plier mon cou. Mais seul capitaine à bord de mon piano vaisseau, pas le temps, pas le temps. J'entends la foule qui crie mon nom, Lili passion, et j'entre dans la fosse au lion. C'est ma vie, c'est ma déraison. J'ai croisé d'étranges comètes dont j'ai cru capter les signaux. Et je ramène dans ma tête des bruits d'orages tropicaux. J'ai touché l'aile des oiseaux, j'ai caressé le merveilleux. J'ai déchiré comme un rideau l'espace, la brume et le vent. À chacun sa révolution et à chacun son dérisoire. Moi je fais ma guerre en chanson. Je n'entrerai pas dans l'histoire. J'entends la foule qui crie mon nom, Lili passion, Lili passion. J'entre dans la fosse au lion. C'est ma vie, c'est ma déraison. J'ai peur, mais j'avance quand même. Car j'aime. J'ai peur, mais j'avance. J'avance, mais j'ai peur, j'avance quand même. J'avance, car j'aime. J'ai peur, mais j'avance. J'avance, mais j'ai peur, mais j'avance quand même. J'avance car j'aime. J'ai peur, mais j'avance. J'avance quand même. J'ai peur, mais j'avance. J'avance, mais j'ai peur. J'ai peur, mais j'avance. J'avance car j'aime. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily. Luc Plamondon l'avait raconté au micro d'RTL. Au départ, Lily Passion, la seconde tentative de Barbara dans le théâtre musical, puisait ses sources dans le théâtre expressionniste allemand, et le personnage de Lily Passion, chanteuse vedette sur scène, tenait beaucoup de Lily Marlene, ici interprétée par Marlène Dietrich en 1945. Lily Passion, qui fut la seconde création de théâtre musical de Barbara, qui n'est pas novice en la matière. À la fin de la guerre, celle qui s'appelle encore Monique Serre prend des cours de chant. Elle entre au conservatoire de musique, reçoit le second prix d'interprétation Léopold Bellan, et lors de sa première audition est retenue comme mannequin choriste dans une opérette, Violettes impériales, d'Albert Wilmets et Vincent Scotto, au théâtre Mogador. C'est là qu'elle apprend à se maquiller, à se coiffer chaque soir avant d'entrer en scène. Voici un enregistrement d'époque, juillet 48, Barbara fait partie des chœurs. C'est un duo entre Marcel Merkès et Lina Vals. Pour moi, regardez le plus beau, le chant, le joli chant. C'est C'est un ancien jeu de bohème. Tirez trois cartes, s'il vous plaît. Une deuxième, une troisième. Et maintenant, écoutons-les. Et les tarots diront qui vous aime. Et vous apprendront qui vous est. C'est magnifique et palpitant. Oh, dites-moi ce qui m'attend. C'est magnifique et palpitant. Oh, dites-moi ce qui m'attend. Suivant la place des figures, chaque carte ici retournée me permettra de deviner comment tournera l'aventure. Mon Dieu, que j'aime ce jeu qui nous vient de Bohème. Tirez, tirez, chers éphirions, tirez, tirez-moi les tarots. Mon Dieu, que j'aime ce jeu qui nous vient de Bohème. Tirez, tirez, chers éphirions, tirez, tirez-moi les tarots. Un homme méchant vous assiège. C'est Sanglerac, oui, je le sais. Mais un cavalier vous protège. Pouvez-vous me dire qui c'est? Il déjoue pour vous les manèges. Il est brun, il porte un toquet. Qu'il me plaît ce cavalier brun qui vient au moment opportun. Qu'il me plaît ce cavalier brun qui vient au moment opportun. Suivant la place des figures de chaque carte retournée, tout semble bien se dessiner pour que tournons mieux l'aventure. Mon Dieu, que j'aime ce jeu qui nous vient de Bohème. Tirez, tirez, chers éphirions, tirez, tirez-moi les tarots. Mon Dieu, mon Dieu, que j'aime ce jeu qui nous vient de Bohème. Tirez, tirez, chers éphirions, tirez, tirez-moi les tarots. Dites-moi que le beau cavalier qui m'aime tentera celui qui meurt. Oui, le beau cavalier qui vous aime domptera celui qui vous est. Du destin comme ils sont l'emblème. Les tarots ne trompent jamais. Maintenant, Zéphirio, raconte-moi une belle histoire. Viens. Je vais te conter la plus belle. Deux adolescents au bord de la Loire, en riant jouaient sur le sable d'or, fiers de leurs 15 ans qu'ils venaient d'avoir. Dors, mon cher amour, vite, vite, dors. Fiers de leurs 15 ans qu'ils venaient d'avoir. Mon beau Zéphirio, dis, raconte encore. Si chou il faisait au bord de la Loire, qu'ils se mirent nus afin de dorer. Leur gorge et leur dos plus blancs que l'ivoire. Do, do, mi, do, si, sol, sol, la, do, ré. Qu'ils se mirent nus, la troublante histoire. Brûlant au soleil de ce coloré. Si doux il faisait au bord de la Loire, que les deux amis restèrent ainsi à goûter les joies de ce nonchaloir. Do, do, mi, do, si, sol, sol, do, ré, si. Ils restèrent ainsi à ce nonchaloir. J'aimerais savoir la fin du récit. Au bord du désir, au bord de la Loire, quand on a 15 ans, il est bien permis de se prendre au jeu d'amour illusoire. Do, do, mi, do, si, sol, sol, do, mi, mi. De se prendre au jeu d'amour illusoire. Elle s'est endormie. « Barbara en tenue de page, les yeux noirs déjà marqués, en duo avec Françoise Rosset, c'est 10 ans plus tard, extrait d'une autre opérette dans laquelle Barbara incarne donc un homme, un page, Le jeu de dames, la dernière opérette d'Albert Wigmetz composée par Georges Van Paris au Petit Théâtre de Paris. C'est que dans les années 50, Barbara a choisi sa voix. Fini le chant classique, voir Édith Piaf sur scène l'a convaincue. Elle chante de café en café, se forge une réputation et devient chanteuse de minuit à L'Écluse, un petit cafconce, quai des Grands Augustins, qui la voit grandir. Là, elle se forge un petit répertoire, puis de fil en aiguille commence à écrire et se fait auteur, compositeur, interprète. C'est L'Écluse qui va faire de Barbara une vedette et c'est là que, en 1960, Marcel Mercès lui propose de venir chaque soir tenir deux rôles sur scène dans cette opérette Le jeu de dames. Le patron de L'Écluse accepte à la condition que Barbara revienne tenir son rôle de chanteuse de minuit chaque soir. Nous avons eu Mademoiselle Pompon, nous avons eu la grosse Charlotte, Mimi Devanne et la Zonzon, qui arrosait chaque soir sa motte au cognac et au Marsala, au cognac et au Marsala. Nous avons eu Marie Ficelle, qui revenait de Douala, qui revenait de Douala, et qui ch'touillait le colonel. De jolies putes, vraiment, et un vraiment bien beau bordel. Même Kadakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu Lulu Mange-Tout, Nana Frisson et Miss Poil-Poil, celle qui rendait les hommes fous quand elle dansait avec ses voiles, qui cachait même pas son père ni ses 6 poils de salsifis. Nous avons eu Nini Donfleur, nous avons eu Nini Donfleur, et Rita, et Rita, et Rita qui pissait au lit. De jolies putes vraiment, il y a vraiment bien beau bordel. Même Kadakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu Bébé Fortiche qui était tatoué de bas en haut. Elle avait des cœurs sur les miches et les noms de nos généraux calligraphiés sur sa praline, calligraphiés sur sa praline. Nous avons eu Mademoiselle Monsieur, un ancien paradis d'Auchine, un ancien paradis d'Auchine qui avait vraiment pas froid aux yeux. De jolies putes vraiment, et un vraiment bien beau bordel. Même que Dakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. De jolies putes vraiment, et un vraiment bien beau bordel, même qu'à Dakar, il n'en avait pas de pareil. Non, il n'en avait pas. De jolies putes vraiment, écrit par Remo Forlani pour les paroles et par Barbara pour la musique. C'est la première chanson de la première œuvre de théâtre musical que compose Barbara en 1970. Celle qui n'aimait pas son physique s'était créé un personnage dans les années 60. Elle avait quitté L'Écluse, elle avait volé de ses propres ailes et avait enchaîné sur une décennie magnifique où elle a composé chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, Göttingen, Le Temps des Lilas, Nantes, Pierre, Le Mal de Vivre, Ma plus belle histoire d'amour. Une décennie, les années 60, qu'elle vit à 100 à l'heure et qu'elle décide d'arrêter en 1969. Fini les tours de chant traditionnels, elle tente l'aventure du théâtre. Comme elle est une star, elle décide de devenir comédienne et commande à Remo Forlani une pièce sur mesure. Alors, Remo Forlani venait d'écrire « Guerre et paix au café Sneffle ». Au café Sneffle, c'est une pièce tragique, une pièce bouffonne qui avait connu un grand succès, une pièce pleine d'humour noir et de violence qui se situait dans un café proche de la gare de Lyon au cours de la Seconde Guerre mondiale et qui mélangeait des personnages aussi différents que le maréchal Pétain, le cadavre de Mussolini ou des soldats allemands pendant l'occupation. Remo Forlani va écrire sur mesure une pièce pour Barbara qui s'intitule « Madame ». Madame. Madame, en fait, c'est une tenancière d'un ancien bordel en Afrique équatoriale. Entourée de son domestique noir, eh bien, elle voit des clients se croiser. Un ancien planteur, un ancien douanier, et puis un jour un bel Italien qui vit de trafic en tout genre. Seulement, voilà, ce bel Italien disparaît bien vite et un policier nommé Jules César va mener l'enquête. Autre solo pour Barbara dans cette pièce de théâtre musical, et bien justement la disparition de tous ses amants l'un après l'autre. Ils étaient 5. Ils étaient 5, c'était des hommes, tous les 5 sentaient le tabac, même celui qui ne fumait pas. Le premier a bien tenté de me dire d'où il venait et où il voulait aller. Il voulait que je l'écoute, faut croire qu'il avait sans doute des choses à me raconter. Mais moi, je ne l'ai pas laissé parler, je ne l'ai pas laissé parler, je ne l'ai pas laissé parler. Je lui ai mordu la lèvre et il m'a rendu mon baiser. Ils étaient 5, c'étaient des hommes, tous les 5 sentaient le whisky, même celui qui ne buvait pas. Le second a bien tenté de me parler de sa mère, de pleurer sur son passé. Il a versé quelques larmes, il avait le goût du drap et ne pouvait oublier. Mais moi, je ne l'ai pas laissé pleurer, je ne l'ai pas laissé pleurer, je ne l'ai pas laissé pleurer. J'ai touché ses cicatrices, il m'a déshabillée. Ils étaient 5, c'étaient les hommes, tous les 5 m'ont parlé d'amour, même celui qui ne m'aimait pas. Le troisième, le quatrième ont tenté de m'emmener. Il rêvait à une épouse. Il m'avait imaginé au coin de la cheminée, comme un grillon du foyer. Mais moi, je ne les ai pas laissés rêver, non, je ne les ai pas laissés rêver. Je ne les ai pas laissés rêver. Le cinquième, le gentleman, ne m'a rien dit, pas un mot. Ils étaient 5, c'étaient les hommes, tous les 5, ils sentaient le yé. Lorsqu'ils sortaient de mon lit, lorsqu'ils sortaient de mes bras. Ils étaient 5, et puis voilà. Ils étaient 5. Et voilà. Madame, le premier spectacle de théâtre musical que compose Barbara en 1970, un spectacle fait sur mesure pour une star qui était fait pour durer 10 ans avec un budget colossal, un décor baroque spectaculaire avec notamment un rocking chair pour la tenancière de bordel qu'incarnait Barbara et d'ailleurs que l'actrice et chanteuse conservera tout le reste de sa carrière. Mais voilà, le spectacle était fait pour durer 10 ans et comme l'explique Remo Forlani, il a duré un mois. C'est un fiasco et au micro de sa grande amie et productrice de télévision de l'émission Discorama, Denise Glaser, Barbara analyse cet échec en 1970. C'est très mal passé. C'est pas la peine que je te le dise. C'est mais très mal passé. Moi, j'ai pas lu les critiques, mais il paraît que oui. ça a été descendu. Moi, je les ai pas lus non plus, mais je les ai lus dans les yeux du public et des gens qui venaient comme ça. Ben, ça s'est passé, voilà. C'est-à-dire que, au départ, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je ne suis pas une comédienne. Je crois que je suis madame, mais je ne suis pas une comédienne. Alors, je me suis trouvée complètement déphasée. Tout à coup, je vivais seule avec mes lois, je me suis trouvée avec d'autres gens et je me suis trouvée responsable des autres et de moi. D'habitude, je suis responsable de ce que je fais, bon. Puis, on m'a fait des robes superbes. Et puis, des cheveux, enfin, une coiffure, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et puis, c'était pas ça, parce que c'était pas moi du tout. Et ça, c'est le public qui a refusé. Il a refusé cette femme-là, qui n'était pas moi. Ce ne sont pas les critiques, parce que les critiques, finalement, elles ont été très mauvaises, à juste titre, si tu veux, mais elles m'ont rien appris. Rien apporté. Et le public, lui, m'a apporté. Il n'a pas reconnu. Il n'a pas voulu. Alors j'ai bougé. J'ai toujours été aussi mauvaise. Je continue à être mauvaise, mais dans mes affaires, en étant moi, c'est-à-dire que j'ai repris mon vieux peignoir avec lequel je répète mon tour de chant depuis des années, j'ai enlevé mes faux cheveux et j'ai recommencé. Et je crois que petit à petit, les choses s'installent maintenant. Alors c'est fantastique. Finalement, tu le sais mieux que personne, moi c'est le public qui m'a faite. Je serai douce, si douce, quand tu me diras de l'être. Je serai obéissante quand tes mains caresseront mes mains, mes cheveux, mes lèvres. Oui, je serai très très douce quand à midi tu me coucheras sur un lit d'herbe roussie, sans vraiment aucun souci pour ma robe noire de veuve, sans aucun souci vraiment. Je serai tendre, si tendre, quand tu me diras de l'être. Je serai obéissante quand tes mains caresseront mon cou, mes hanches, ma taille. Je serai très très tendre quand à 5 heures tu me coucheras sur un lit de feuilles sèches, sans vraiment aucun souci pour ma robe blanche d'amante, sans aucun souci vraiment. Je serai belle, si belle, quand tu me diras de l'être. Je serai obéissante tes mains caresseront mes reins, mes seins, mon étoile. Oui, je serai très très belle quand à minuit tu me coucheras sur un lit au drap des feuilles, sans vraiment aucun souci pour ma robe rouge d'amante, sans aucun souci vraiment. Je serai douce, si douce, je serai tendre, je serai belle, si belle. La plus élégante des chansons de cette première comédie musicale de et avec Barbara en 1970, Madame, une chanson qu'elle intégrera d'ailleurs dans son tour de chant, ça s'intitulait « Je serai douce, pardon. Alors, c'est un échec, madame, mais c'est un échec qui sera vite oublié parce que quelques semaines plus tard, Barbara sort son nouveau 45 tours, L'Aigle Noir. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Tout est oublié, mais Barbara n'oublie pas son envie de comédie. Elle rêve de tourner avec Polanski, elle aurait aimé jouer Lola dans le film de Jacques Demy. Maurice Béjart fait appel à elle pour une fiction télévisé. Je suis né à Venise met en scène des personnages qui ont une personnalité différente, le jour et la nuit, on est un peu comme chez Shakespeare, et Barbara incarne une dame de la nuit qui charme au piano un jeune homme au visage d'ange. Bonjour. De ma vie, au bout de mes nuits, quand tout est fini, toi, que viens-tu chercher à l'heure où mes lampions s'éteignent, s'éteignent, toi, mais que me veux-tu et que cherches-tu au fond de mes yeux, fatigué, fatigué, toi, mes lampions s'éteignent. Ma fête est finie, il faut t'en aller. Je savais bien que quelque part tu existais, mais tu viens si tard. Je savais que tu étais pareil à mon rêve, avec tes mains douces sur mon poignet, tes yeux mes vagues pour m'y noyer. Magicien, oh magicien, m'a redonné la lumière. Ma fatigue est un oiseau blanc qui survole les océans. Magicien, tu es magicien. Et je retrouve le goût de vivre, mais trop tard. Tu m'es venu trop tard. Au bout de ma vie, tu vois, c'est fini. Rien, rien n'y pourra plus rien. Je m'arrête ici, toi, tu vas plus loin. Tu sais, au bout d'une vie, et le temps de nuit passé à dire je t'aime un jour, il fallait qu'un jour. Pour moi, ce soit la fin du voyage. Toi, en bout de ma vie, en bout de ma nuit, pour moi c'est fini. Rien, tu n'y peux plus rien. Amour magicien, passe ton chemin. En bout de ma vie, moi, c'est fini. Tu n'y peux plus rien. Mes lampions s'éteignent. Fisch, kann sie auf keinen Beutel rechnen. dich, meine Mühe, mir den Demut abzugewöhnen. Manchmal brachte ich sie zu Bette, flüsterte sie unter Ce n'était pas Barbara, c'était la voix de Teresa Stratas, mais c'était un rôle que voulait incarner Barbara. Elle avait un projet avec Maurice Béjart d'adapter les sept péchés capitaux de Brecht et de Kurzweil, un projet qui n'aboutira pas, mais qui évoque évidemment musicalement l'univers aussi de Barbara. C'était un extrait qui s'intitulait « La fierté » par l'orchestre de l'Opéra de Lyon dirigé par Kent Nagano. Les années passent, et Barbara conserve l'envie de jouer la comédie et d'écrire une pièce qu'elle estime être simplement, je cite, une chanson plus longue que les autres. Ça sera Lily Passion en 1985. Luc Plamondon, auteur de Starmania, qui collabore avec Barbara, raconte qu'il s'agit au départ en fait d'un spectacle néo-expressionniste. Barbara s'imagine en héroïne allemande, avec une perruque à trois couleurs, comme dans les peintures du néerlandais Kees van Dongen. Ça l'amusait beaucoup, se souvient Plamondon. Écoutez Barbara, elle raconte cette aventure au micro de Jean-Louis Foulquier sur France Inter. C'est très simple l'histoire, c'est que nos destins ne nous appartiennent pas, on est les otages de force, pour moi, qui nous dirige et qui ordonne nos gestes et nos destinées. En fait, on a décidé de rien, vous n'avez sans doute pas décidé de faire ça, et ben voilà. Peut-être que le boulanger n'a pas décidé non plus de faire ses croissants, etc. Et donc, il y a deux personnages, qui sont deux otages. Il y a une femme qui chante et un homme qui tue. Ils ont toujours tué, c'est une histoire intemporelle. Et les forces disent, ou vous obéissez et tout va bien, on vous protège, on vous sublime et tout est parfait, ou vous allez désobéir aux forces et c'est pas ce qui va se passer. En fait, on ne sait pas qu'on est les otages. Et ces deux personnages, dont cette femme chante depuis des temps, elle vit effectivement dans les théâtres, et cet homme tue depuis des temps, et on ne le trouve pas. La seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il jette du mimosa sur ses victimes, et on le recherche, on ne le trouve jamais. Il tue toutes les nuits quelqu'un, mais pas spécialement une femme, un homme ou une femme. Il ne tue jamais d'enfant. Et un jour, cette chanteuse est en tournée, et il se met brusquement à changer sa trajectoire, il tue dans les villes où elle chante. Et elle est tout à fait fascinée par cet acte qu'elle ne considère pas comme un acte de tueur, mais comme un acte de victime. Elle entend ça comme un cri et elle pense que là, il y a quelqu'un de désespéré. Et elle veut à la fois arrêter ses crimes, c'est plus du tout supportable de chanter si quelqu'un meurt tous les soirs à minuit dans la ville où elle chante. Et à la fois, elle est aussi fascinée par le comportement de cet homme qui ressemble étrangement au sien, c'est-à-dire qu'ils ont un chemin parallèle de la nuit. Et elle décide... Enfin, aussi, peut-être, elle n'a plus tellement envie de chanter. Elle le dit. Elle dit qu'elle a perdu sa peur de chanter. Et elle dit que... Ce que je pense aussi, que le jour où on perd sa peur de chanter, on a perdu le désir de chanter. Ben voilà. Enfin, l'histoire, c'est ça. C'est que nos destins ne nous appartiennent pas et qu'on est téléguidés. Nous ne nous appartenons pas. Nous ne décidons rien de notre vie. Nous sommes tous les otages de forces qui nous animent, qui nous dirigent, qui nous ordonnent. Nous devons obéir. Les forces sont là, là, là, partout. Elles nous guettent. Elles nous suivent. Les forces nous aiment, elles nous protègent, elles nous subliment. Mais attention, les forces peuvent aussi... Hop ! Plus rien. Silence. Pas même un cri d'oiseau. Une pluie de cendres. Vous ne me croyez pas ? Vous ne me croyez pas ? Oh, là, vous avez tort. Écoutez. Regardez ce qui va se passer. Là. Là-bas. Non, pas ça, passe rouge cathédrale, je ne veux pas, enlevez-moi ça. Qu'est-ce que vous jouez là? Mais qu'est-ce que vous jouez là? Arrêtez-moi cette répétition, arrêtez-moi. Toutes les nuits depuis toujours, dans une ville différente, il tue. On le poursuit, mais derrière lui, on ne trouve que l'épouvante. Il tue, depuis des années on le piège. Quel ange maudit le protège. Quelquefois on croit qu'on le tient, mais rien. Quelqu'un l'a vu s'enfuir. On sait qu'il ne tue qu'avec un couteau. Il ne frappe jamais dans le dos. On dit qu'il est blond dans les journaux. Toutes les nuits depuis toujours, dans une ville différente, il tue. Hommes ou femmes, peu importe, la victime est indifférente. Il tue, il déjoue toutes les polices et ne laisse pour indice que des branches de mimosa, du mimosa. Mais d'où peut venir cet homme-là? Et brusquement, ça ne peut pas être un hasard. Il suit ma trajectoire, mais que me veut-il? Est-ce moi qui le cherche? Toutes les nuits d'Angers, ce n'est que dans les villes où je chante. Toutes les nuits, ce n'est que dans les villes où je chante qu'il est tué. C'est vrai, cet assassin m'obsède. C'est vrai, cet assassin me suit. Qu'il me suive ou qu'il me précède, il tue, je chante, il tue. De ses crimes abominables, sur l'acier de son couteau nu, je lis que son âme est malade et qu'il pleure dans ses mains nues. C'est vrai, cet assassin m'obsède quand, sur la pâleur de mes nuits, il roule un chemin parallèle sur le boulevard de minuit. Comme un loup sur son territoire, il m'encercle, je ne sais pourquoi. Et dans le sang du désespoir, il fait blondir le mimosa. C'est vrai, cet assassin m'obsède. Il m'appelle, il me poursuit. C'est vrai, cet assassin m'obsède. Il le tue, je chante, il le tue. Et sur le chemin parallèle où il roule et où je le suis, je chante et je déploie mes ailes. Il tue, le mimosa fleurit. C'est vrai, cet assassin m'obsède. Au revoir, Lucien. Barbara commence à écrire le projet Lily Passion de façon assidue à partir de 1983. Cette histoire de tueur en série est en partie inspirée de M. Le Maudit, mais au départ, elle envisage aussi l'histoire d'une chanteuse qui ne peut plus chanter. En fait, la conception de Lily Passion est marquée par un certain chaos. Adieu Luc Plamondon, au revoir son directeur musical Roland Romanelli, adieu Roger Planchon, le metteur en scène à qui on voulait faire appel, et tous les comédiens qu'elle imaginait autour d'elle, un funambule, sa mère, un agent âpre au gain ou un ange gardien. Finalement, ça sera un duo sur scène, sur une grande scène de 70 mètres de longueur. Et si elle pense à un moment à Jacques Higelin, elle choisit finalement Gérard Depardieu pour partenaire. C'est Luc Plamondon qui explique, à la dernière minute, Barbara a tout balancé, a porté son éternel rocking chair et ses vieilles robes. Lily Passion, en fait, elle jouera ce personnage comme si c'était elle. Écoutez, Gérard Depardieu, en 2017, vous le savez, il a proposé un tour de chant en hommage à Barbara au Théâtre des Bouffes du Nord, tout récemment au Cirque d'Hiver. Le voici qui interprète cette rencontre entre Lily Passion et David, l'assassin, sur cette fameuse île aux Mimosa. Depardieu qui incarne dans ce titre les deux personnages, lui l'assassin et elle la chanteuse. Merci. Merci. Et спасибо большое. Спасибо. Non. Toi que j'ai souvent cherché à travers d'autres regards, et si l'on s'était trouvé, qu'il ne soit pas trop tard. Pour le temps qu'il me reste à vivre, je stopperai mon piano ivre pour pouvoir vivre avec toi sur ton île aux Mimosas. Et comme deux chevaux courant dans la prairie, comme deux oiseaux volant vers l'infini, et comme deux ruisseaux cherchant le même lit, nous irions dans le temps droit comme des roseaux, quand sous le poids des ans nous courberions le dos. Ce serait pour mieux boire ensemble à la même eau. Et si tu m'avais cherché, je t'ai cherché, de soir en soir, de bar en bar, imagine que tu m'aies trouvé, je t'ai trouvé. Imagine qu'il ne soit pas trop tard, il n'est pas trop tard. Pour le temps qu'il me reste à vivre, peux-tu stopper ta vie pour pouvoir vivre avec moi sur ton île aux Mimosas. Nous aurions la fierté des tours de cathédrale et nous serions plus près du ciel et des étoiles. Nous saurions le secret des aurores boréales. Il y a si peu de temps entre vivre et mourir qu'il faudrait bien pourtant t'arrêter de courir. Toi que j'ai souvent cherché à travers d'autres regards, et si l'on s'était trouvé, et qu'il ne soit pas trop tard, pour le temps qu'il me reste à vivre, amarrons notre bateau ivre, pour pouvoir vivre, toi et moi, sur ton île. Oh, Mimosa, oh toi que j'ai souvent cherché, oh le temps, qu'il me reste à vivre, je voudrais vivre avec toi, sur ton île, Lily Passion, qui est de nouveau dans l'actualité en cet automne, puisque Universal vient d'éditer une version studio inédite, longtemps cachée par Barbara, réalisée avant la création sur scène, où la voix de Barbara est posée et mordante. J'ai 5 exemplaires à vous offrir de cet album inédit pour être tiré au sort, pour le recevoir. Vous avez l'habitude, vous allez sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr, et puis vous cliquez sur l'onglet « Contactez-nous ». Alors dans cet album inédit, on découvre par exemple une version bien plus jazzy d'un des titres du spectacle intitulé Bizarre. Il fait bizarre sur la ville, trottoir, miroir sur la ville, des ombres lézards se faufilent et se glisse agile dans le brouillard. Indélébile se fait tard sur la ville. C'est plus qu'à faire sur la ville. Et de l'ombre, une ombre d'un pas tranquille se jette et se cogne contre le phare d'une automobile qui repart dans la ville. Hôpital, départ, mais trop tard. Mort sur la ville se fait tard sur la ville. Ils sont perdus. C'est de là que la vie sépare au matin blafard. Un train des morts travesti du Brésil. Titube au hasard d'un trottoir, hagard sous ses fossiles, fait bizarre. C'est plus qu'à faire des ombres, les âmes se faufilent et se glissent agiles dans le brouillard. Il fait bizarre dans le miroir des pas trop tard. Extrait de cet album posthume et inédit de Lily Passion, Barbara Bizarre, pour obtenir l'un des 5 exemplaires que j'ai pour vous. Vous allez sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Je vous conseille d'aller à la Philharmonie découvrir l'exposition très réussie consacrée à Barbara. Pour les non-parisiens, le catalogue est paru chez Flammarion. Il y a aussi un très beau coffret DVD avec de riches archives sur la carrière de la chanteuse. Et puis si Barbara vous intéresse, n'hésitez pas à réécouter en podcast l'émission de Benoît Dutertre d'hier, Étonnez-moi Benoît, consacrée à Barbara, ainsi que les émissions de Martin Péné. Tout ça, vous les retrouvez sur francemusique.fr. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Dans l'actualité des comédies musicales, si vous habitez à Lyon, Cabaret, la comédie musicale de Kander et Hebb, est là pour vous, au Café de la Danse. Et puis partout en France, n'hésitez pas à aller voir ce qui ressemble au premier film musical des studios Pixar, Coco. Belle réussite que ce film d'animation tonique qui sort mercredi. L'histoire d'un jeune garçon prêt à tout pour chanter, mais qui grandit dans une famille où la musique est proscrite. Alors le jour des morts, très typique au Mexique, lorsque les vivants honorent leurs ancêtres en allumant des bougies dans les cimetières, ils se trouvent transportés dans un monde de squelettes, à la recherche d'une star du musical mexicain qui est son grand-père. Un film drôle, haletant et beau, qui brille de mille lumières, avec notamment ce numéro très Broadway, composé par l'auteur des chansons de La Reine des Neiges, Robert Lopez. remember me. Though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry, for even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me. Though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Until you ring my arms again, remember me. I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember. Coco, à découvrir au cinéma dès mercredi pour gagner l'album inédit de Barbara Lily Passion, direction la page de 42e rue sur francemusique.fr. Et puis c'est normalement à partir de demain que vous pourrez réserver vos places pour notre prochain cabaret 42e rue du 17 décembre en direct avec Dan Burton, l'acteur vedette de Singing in the Rain au Grand Palais, le merveilleux orchestre Spirit of Chicago Orchestra et un avant-goût de la première française de Wonderful Tone de Leonard Bernstein. Donc rendez-vous sur francemusique.fr. Merci à Martine Moni, un clin d'œil à Rémi Bateau, à la technique Adelino Mello, Emmanuel Dupuis et à la réalisation Perrine Mingui. Rideau ! Et si vous êtes du côté de Paris, je vous donne rendez-vous cet après-midi à la Maison de la Radio pour l'opération Radio France Faites le Livre. C'est jusqu'à 19h. Dimanche prochain, c'est Nathalie Dessay qui programmera 42e rue. Pour l'heure, midi, 15 secondes. Bonjour Stéphane Grant. Bonjour Laurent Vallière et on vous retrouve bien sûr dimanche prochain à 11h pour un nouveau numéro de 42e rue. À réécouter sur francemusique.fr.